qu'on divorce de la pesanteur des piles usées. Qu'on divorce de la belle-mère acariâtre des batteries déchargées. Mais pas nous, pas nous, pas nous. Qu'on divorce des absences insulaires, de la sconce jalousie. Qu'on divorce de la amour miséreux, pas clé du dimanche soir. Mais pas nous, pas nous, pas nous. Qu'on divorce des combats contre la poussière, des mois à découvert. Qu'on divorce des drames, des tragédies, qu'on initie. Mais pas nous, pas nous, pas nous. Qu'on divorce des nuages, des orages, des griefs imbéciles. Qu'on divorce des idées, qu'on se fait des vies du dehors.